بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz: est-ce que c'est permis de mettre une plaque sur la tombe d'un proche décédé et inscrire sur cette plaque un verset du Coran et le nom du défunt et la date de sa date de naissance, la date de sa mort. Et هذا كثير من الناس يفعلون هذا. Est-ce que c'est permis? قال رحمه الله: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها. هذا c'est interdit. لماذا؟ لأن en tant que musulman, avant de faire ces choses, on doit se renseigner. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est profitable? On ne fait pas ce qu'on veut. Pardonnez-moi, dans ce cas-là, ils sont touchés par les sentiments. Khassatan quand c'est un parent qui meurt, un enfant. Ka'annahu pour eux, c'est un souvenir. Ka'annahu c'est une chose qu'ils doivent faire pour ce mort. Ton proche décédé, si c'est un musulman, wallahi, mettre une plaque, mettre un verset du Coran, bel écrire tout le Coran sur sa tombe, ça sera d'aucune utilité. Bel c'est une bid'a, c'est une innovation. On avait traité Wallahilham ensemble, dans un cours, les choses à faire, les choses profitables à faire pour un proche décédé. Fais du'a pour lui. Fais des sadaqat pour lui. Naam, prends soin de s'il a laissé des enfants, une épouse, un parent, des amis. Fais du'a pour lui. C'est ça qui est profitable pour le meyyit. À m'écrire son nom et un verset du Coran, c'est pas utile. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, pas pour les morts. Pourquoi? Parce que les morts, ils ont basculé dans une autre demeure. Dar al-jaza. Al-barzakh awalan, thumma yawm al-qiyama, le jour du jugement. Al-barzakh, c'est dans la tombe. Dans la tombe, c'est une étape pour rendre des comptes. Enfin, le Coran, ce n'est plus utile pour ce mort. Falihada, ce n'est pas permis kadhalik de lire le Coran pour un mort, se mettre vers la tombe comme certains font et lire le Coran en espérant qu'il aura les hasanat. Tout ça, c'est pas utile. Le Coran, c'est pour les vivants. Aisha radiallahu anha, quand ils lui ont demandé an khuluq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qalat khuluquhu al-Quran. Son comportement, il était basé sur le Coran. C'est un mode de vie, le Coran. Le Coran, c'est pas des versets qu'on accroche sur nos murs. Quand il y a un mort, on lit la soirée du décès, on lit Sourate Yassin, et vers la tombe, on lit un peu de Coran, et une plaque, on met un verset, ça s'arrête là. Là, on doit être cohérent. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est pas permis. Kadhalik, écrire son nom avec sa date de naissance et de décès, mal faïda. Mal faïda, les proches, ils savent très bien que leur proche est enterré, ils savent son nom, ils savent sa date de naissance, ils savent quand est-ce qu'il est mort. Il n'y a pas de faïda. Abadan. Bal hadha. كله سمن التأثير بالكفار. Ça c'est min adat al-kafirin. C'est parmi les coutumes des mécréants. Des bouquets de fleurs, des plaques avec le nom, avec des versets. Il a akhiré. Ba'douhum al-kufar. Ils mettent pas des versets, ils mettent d'autres choses. Et certains musulmans, ils ont essayé de remixer hada façon musulmane et ils ont mis des versets. C'est pas comme ça. En tant que din, nous on a un modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Pour ceux qui ont visiter Al-Baqi'a, fil Medina, le cimetière. Beaucoup de compagnons, ils sont enterrés jusqu'à aujourd'hui dans le Baqi'a. Et pour ceux qui ont fait l'Umrah ou le Hajj, qui ont visité le Medina, qui ont visité Al-Baqi'a, est-ce que tu as vu des plaques, des noms, des... Ma fi min hadha. Afdhalu an-nas. Après les prophètes et les messagers, les compagnons, radiyallahu anhum, et il n'y a pas de ça, c'est de la terre. À peine élevé pour savoir que c'est un, que savoir que c'est une tombe, alhamdulillah. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'amal. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce que le mort, il emporte avec lui dans sa tombe. Amal, tout ce qui est au-dessus de la tombe, une plaque, ou construire sur la tombe avec de la faïence, ou mettre des fleurs, c'est aucune utilité pour le mort. Le mort, ce qui est utile pour lui, c'est ce qu'il a emmené avec lui comme amal, comme œuvre. Allez, هذا قال الشيخ بن باز رحمه الله. قال لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرها. نعم, que ça soit une plaque en marbre, en fer, en bois. قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه. Ça, c'est un hadith authentique. L'imam muslim, il l'a rapporté dans son sahih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit un yujassas al-qabr. On n'a pas le droit de construire sur la tombe. Que ce soit du plâtre, de la faïence, du carrelage, du marbre. Tout ça, c'est interdit. La tombe, elle reste comme elle est. Elle est à peine élevée pour savoir que c'est une tombe. Pour que personne marche dessus. Ou s'assoie dessus. Qal wa an yuqad alayh. S'asseoir sur la tombe. Kadalik, c'est interdit. L'imam, ce muslim, il a un honneur, même mort. On n'a pas le droit de marcher sur sa tombe ou s'asseoir sur sa tombe. C'est sa demeure. Qala wa an yubna alayh. Kadalik, construire sur la tombe. قال رواه مسلم في صحيحه زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه. Et dans une version, une narration que l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Nasa'i, ils ont rapporté un ajout qui n'est pas cité dans Sahih Muslim, lakin il est authentique, comme a dit Cheikh Ibn Baz, وأن يكتب عليه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'écrire sur la tombe. Le nom ou des versets, تأملوا قوله وأن يكتب عليه, d'écrire dessus. N'importe quelle écriture, un verset, un nom ou autre, فهذا لا يجوز. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. لا ريفيرونس مجموع فتاوى الشيخ بن باز المجلد نيميرو 4. نكتفي بهذا والحمد لله.